Salut tout le monde et bienvenue sur La POC, votre émission, votre podcast sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Je vais gagner ton animateur et je suis accompagné de mon ailier gauche favori, Jerry Godbout. Hey, c'est bon ça. En plus, c'est ma vraie position quand je joue en avant à l'aile gauche. Bon. Ah, tu vois? C'est logique. Je te connais là, comme le fond de ma poche. Nous sommes le dimanche 23 avril 2017 et en cette journée solennelle de tristesse, nous sommes là pour parler de l'élimination du Canadien de Montréal. J'ai presque versé de larmes. Non, pour vrai, si qu'on le prévoyait. Moi, j'ai essayé d'être gentil dans notre dernier show, prévoir le Canadien en 5, dire que Carey Price allait être dominant. J'ai essayé d'être fin, puis check que ça donne. Fait que reste méchant la prochaine fois. Ouais. Mais non, on se fait dire par les fans, puis c'est correct, ils ont le droit d'aimer le club, qu'on n'est pas des vrais fans. On n'est pas gentils. Qu'on torture le club pour rien. C'est ça. Défaite en 6 contre les Rangers de New York. Jerry, je veux tes commentaires overall là, sur la série. Là, rentre pas dans le trop précis, là, mais je veux connaître là, en tant qu'amateur de hockey. Là, comment tu trouvais ça, cette série-là, entre le Canadien et les Rangers? Les premiers matchs, c'est quand même des bons matchs, là, mais je te dirais que je peux résumer ça assez rapidement en manque d'offensive. Je pense que c'est le résumé de la série du Canadien de Montréal. Puis les Rangers se sont juste réveillés. Là. Écoute, déception. Je rentre pas dans les détails, là, mais c'est pas mal ça. Manque d'offensive. Juste ça, ça résume pas mal tout. Là. On a permis à Henrik Lundqvist de reprendre confiance en ses moyens. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé dans les trois premiers matchs. Le Canadien, même s'il ne les a pas tous gagnés, réussissait à faire en sorte que le chancelant King Lundqvist s'apparaissait. Il échappait des rebonds, il regardait en arrière de lui. Il n'était pas tant dans sa game que ça. Match numéro 4, numéro 5 et numéro 6 surtout, il était en mesure de prendre confiance en ses moyens. Le Canadien de Montréal a donné la tâche facile à Henrik Lundqvist d'éliminer le Canadien. Le CH s'est éliminé lui-même d'une certaine façon. Ouais. Allons-y plus précis. Moi, écoute, tu commences à connaître ma façon d'analyser le Canadien de Montréal. J'ai été d'un statut assez long sur le blog, sur la page Facebook de la POC. D'ailleurs, on vous remercie de nous suivre aussi abondamment, de réagir aussi de façon aussi nombreuse et nombreuse sur cette page-là. Fait que j'ai annoté quelques points que je trouvais intéressants à aborder par rapport à la défaite du Canadien de Montréal. Puis tranquillement, on va passer à travers ma liste, mais t'as aussi ta liste de ton bord, t'as aussi tes observations. Premièrement, je veux savoir, selon toi, là, qui a été le meilleur joueur chez le Canadien de Montréal dans cette série? Le meilleur joueur? Ouais. Même s'il y en a probablement certains qui vont dire que c'est pas le cas. Carey Price et Radulov, Carey Price, moi je trouve qu'il n'y a pas des mauvais stats, même s'il n'a pas volé de match. Je suis totalement d'accord avec ça. Ses stats en série sont de .933 et une moyenne évaluée de 1.86. Je veux dire, c'est des stats qui logiquement devraient te faire gagner des matchs. Et ce que je disais par manque d'offensive, c'est justement ça. Carey Price n'a jamais accordé plus que deux buts dans cette série-là. Là. Je veux dire, à part les filets de désert, là, je veux dire, ça a tout le temps été à un match, à un but d'écart. Fait que Carey Price les gardait dans le bateau, c'est juste les joueurs qui embarquaient pas dedans. T'sais. Sinon, Radulov a quand même des bonnes séries. T'sais, oui, il n'a pas été flamboyant tout le long, mais il a quand même 7 points en 6 matchs. T'sais, il essayait. Peut-être que des fois, il essayait même trop. Mais regarde, cause perdue, tu essayes le plus que tu peux. Fait que moi, je pense que c'est mes deux joueurs préférés. Il y a aussi King. Écoute, King, sans lui. Je sais. Oh non, c'est. Ouais, moi mes deux, c'est vraiment Price et Radulov. Là. OK. Mais Price, on peut pas lui enlever que les chiffres étaient là. Il a pas volé de match, mais regarde, rendu là, maintenant, quand tu donnes une chance à ton équipe de jamais se battre à plus d'un but d'écart, c'est déjà bon. Là. Radulov, pour moi, il a été très très bon dans 3 parties sur 6. Le reste, même si l'effort était là. C'est que il y a une partie de comédien dans Radulov. T'sais, il étire ses chiffres. Fait qu'il a de l'air d'être tout le temps à bout de souffle, mais en même temps, il est pas au meilleur de ses performances quand il étire son temps sur la glace. Fait qu'il nuit à son club, même en ayant de l'air combatif. Fait que, moi, j'ai la misère à y donner complètement la palme. C'est sûr que c'est le gars qui a le produit le plus et de loin chez le Canadien de Montréal avec ses 7 points. Mais moi, le gars qui m'a étonné le plus, qui a été le plus constant, qui a été le plus combatif, c'est Arturi Lehkonen. Ouais, que j'ai adoré dans cette série-là. C'était une belle découverte de voir que même en série, tu sais, ta recrue de la saison allait pas avoir la langue à terre puis allait être celui qui était le plus fringant encore à ce moment-ci de l'année. Ça, c'était une méchante belle découverte, là. On dirait quasiment qu'il a redonné un peu d'aile à Plekanec en série. Tu sais? Ouais. T'es moins pire dans certains matchs que dans l'ensemble de son œuvre cette saison. C'est ça. Fait que c'est quelque chose. OK. Donc, question inverse. Qui chez le Canadien de Montréal t'a le plus déçu? Ou a offert les moins bonnes performances? Ben écoute, on va mettre de quoi tout de suite. Là. On n'a pas le droit de nommer King. C'est trop facile. C'est comme le Joker dans cette game-là, tu sais. Non, c'est ça. Ben celui qui m'a déçu peut-être le plus, Pacioretty, parce qu'il y a un point en 6 matchs. Il a pas fait grand chose en tant que tel. Mais il était combatif, mais oui. Ça a tellement pas débloqué au niveau stats que, ben, veux pas. Quand t'es payé pour être pité le meilleur pointeur de ton club, ben, quand tu mets pas de points et tu mets pas de but, ben, ça aide pas, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, je dis, il y a une échappée que. On dit qu'il a gaspillé son échappée. Je sais pas. Oui, il était combatif. Il était quand même là défensivement. Mais ça manquait de punch, ça manquait de... Tu sais, la hargne que Radulov apporte sa glace, on dirait qu'il l'avait pas, Pacioretty. On dirait qu'il s'en foutait un peu, je sais pas. C'est sûr que le fait qu'il n'ait pas de points en tant que tel, autant ça met l'emphase sur Pacioretty. Mais moi, il m'a déçu parce que c'est le capitaine, il faut qu'il monte. T'sais, oui, il s'est battu, mais c'est pas une bataille qui voulait dire grand-chose... Sinon, pis, all around. Puis ceux qui vont dire que les batailles, ça aide à changer le momentum, là. Pas là. Ça a eu aucune saveur, ça a eu aucun impact. Oublie ça. La bataille de, mettons, Shea Weber contre JT Miller, elle valait quelque chose. Elle a changé le vent de bord un peu. C'était pas la même chose pour Pacioretty. C'est, en tout cas. Puis sinon, mais malgré tout, le Canadien a perdu ce match. Les deux matchs que ces deux grands leaders se sont battus, le Canadien, ils ont perdu. Les matchs. Ouais. Le premier puis le sixième. Ouais. Mais quand même. Les batailles, là. Ça a changé un peu après. Là. Mais sinon, il y a un all-around de. Le Canadien, je le trouvais. Finissait pas ses mises en échec. Hier, là, j'étais comme. Hey, vous êtes sur le bord de perdre, là. C'est le dernier match, là. Il faut que vous soyez all-in. Puis il y a plein de joueurs. Qui ne finissaient pas leur mise en échec. On dit qu'ils. Comme un de mes amis me disait, les Rangers jouent tout le temps à la limite de la légalité, tu sais. Ils étaient robustes, ils frappaient tout, ils faisaient tout le temps quelque chose pour déranger le Canadien, tandis que le Canadien ne jouait pas avec cette limite-là, genre. Mm-hmm. Fait que ça, je pense, ça les a sortis de leur match. Il me semble qu'il y a eu un manque d'ajustement. T'sais, dans le cadre des matchs, Claude Julien n'a pas été le coach le plus réactif. On faisait face à l'élimination hier, puis ben qu'est-ce qu'on a fait à 2 minutes de la fin? On mettait le même trio que d'habitude. Moi, je me disais, ben ouais, mets tes éléments offensifs, mets ton Radulov, mets ton Pacioretty, mets Galchenyuk ensemble, puis tu sais, all-in. Il y a quelqu'un qui, sur Facebook, quand j'ai écrit ça, qui m'a répondu, ben c'est ça, mettre Monsieur Revirement, Galchenyuk, sa glace à 2 minutes de la fin. T'es déjà en train de perdre. Au pire, ça change quoi? Tu vas plus perdre. Non, je suis totalement d'accord. Ouais, puis tu sais, je trouve ça plate. Il y a plusieurs analystes, puis il y a plusieurs textes qui vont dire Galchenyuk et Pacioretty, les deux ont pas marqué, fait que shame on us, tu sais. Mais en même temps, Galchenyuk a 3 fois plus de points que Pacioretty, là. Oui, c'est 1-3, là, mais 3, ça te donne quand même le troisième rang du club là, en attaque. Ouais. Fait que c'est. Est-ce qu'on peut encore jeter la pierre sur Galchenyuk? Pas tant que ça, là. Puis dans les leaders en termes de points, ben Lekkonen est moins 1, Plekanec est moins 4, puis Gallagher est moins 3, tu sais. Mais ils ont passé beaucoup de temps sur la glace, tu sais. Je dis pas le contraire, mais... Non, c'est sûr. Non, il y avait des problèmes, là. Je pense que le Canadien, il y a un ou deux... Il y a deux matchs qui ont vraiment bien joué. C'est le match qu'ils ont gagné en prolongation avec le but de Radulov. Celui-là, c'était intense, je veux dire. C'était un vrai match des séries, vraiment distrayant. Puis l'autre que le Canadien ont carrément dominé les Rangers. Mais après ça, la série, là, je veux dire... Ils se sont fait écraser, là. Bon, Pacioretty, on a parlé, mais est-ce qu'on doit dire que c'est le pire capitaine de l'histoire du Canadien? Non. Pas de là à dire que c'est le pire capitaine, parce que... Mais on dit que les grands joueurs se lèvent quand les grandes occasions se présentent. Ouais, ça c'est sûr, sauf qu'en même temps, c'est pas Crosby, là. T'sais, je veux dire, on n'a pas un joueur à la Ovechkin, Crosby, pis tout, pis... Il a fait ce qu'il pouvait, ça a pas fonctionné, ok, mais en même temps. C'est pas avec un Dano que tu vas aller loin en série, là, c'est ton premier trio. Mais voyons, il est tellement bon! Tabarnak, que ce gars-là, il est pas dans la bonne chaise. T'sais, en saison, Dano, ok. Mais c'est pas de sa faute, c'est ça le pire. Non, mais c'est ça, je sais, c'est lui qui s'est fait mettre là. Il fait la job, mais. Regarde, en série, on l'a vu, là, ça va vite. Le pire, c'est qu'il se pense si. Tu sais, oui, Dano, je chiale un peu, là, mais. En fin de game hier, c'était quasiment lui qui en donnait le plus. Mais il est limité côté talent. Là. Ben oui. Fait qu'il fait ce qu'il peut, là, mais il peut pas finir tout, tu sais. Mais quand? Le Canadien de Montréal a comme deuxième buteur en saison régulière Paul Byron, comme premier Max Pacioretty, puis à eux deux, ils ont un but en six matchs. Tu sais, quand on parle de club qui manque d'offensive, puis un club qui manque d'offensive à ce point-là, c'est permis de détruire la confiance d'un kid de 23 ans qui venait de connaître une saison de 30 buts et qui était à un point par match avant une certaine blessure. Ce club-là s'est permis de détruire la confiance de ce kid-là. Puis ce kid-là va porter un nouveau jersey l'année prochaine, je te le garantis. Moi. Très, très convaincu. Pas mal convaincu qu'on va l'évacuer, tout comme Beaulieu, parce que lui aussi, c'est censé être le problème. Les deux, c'est fini à Montréal, pour vrai, là. Je veux dire, en partant pour Beaulieu, petite parenthèse, hein, le match le plus important de ta saison s'est joué hier et Beaulieu n'était pas habillé. Point final. Je veux dire, ouais. La réponse est là. Puis Galchenyuk, ça marche pas avec Julien. Pourquoi? J'ai aucune maudite idée, mais Julien doit pas l'aimer parce que ça fonctionne pas. Bon, en même temps, Claude Julien, peut-on se fier à son jugement? Il a mis Dwight King ses 6 matchs. Ouais, ça c'était quelque chose, mais même Andrew Shaw hier qui a pas joué, ok, oui, après on a appris que c'était une blessure, ici il y avait des guillemets, mais je suis pas mal sûr que le match d'avant, il a fini je pense avec environ une dizaine de minutes de jeu, là. Andrew Shaw. Il y avait eu un combat, là, ça aide pas, d'ailleurs ça, j'avais manqué la première période, j'avais manqué le fight, puis je disais, hey, Dwight King a plus de temps de jeu qu'Andrew Shaw, puis TVA Sports disent que Shaw a un solide match, si t'enlèves le 5 minutes du combat, c'est vrai que ça aide pas ton temps de jeu, voilà, c'est sûr, mais elle coule pas là-dessus, je me suis fait avoir. Quand même, je disais, il aurait pu essayer de le mettre, je sais pas, je trouve que Shaw a été mal utilisé cette année. C'est la preuve, on l'aime une semaine, l'autre semaine d'après on l'aime plus, l'autre semaine d'après on l'aime, l'autre semaine d'après on l'aime plus. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Dans les joueurs que le Canadien a, là, qui sont étiquetés comme étant des gars de playoff, là. Il y a Andrew Shaw, Dwight King, Steve Ott, qu'on était chercher. Là-dedans, qui a vraiment rempli les promesses? Ben moi je vais te dire qu'il y en a un que je trouve et que je re-signe pour vraiment pas cher pour le garder sur mon quatrième trio. Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais Steve Ott, son côté peste, son côté... On s'entend que le quatrième trio, là, c'est pas là-dedans de façon que tu vas faire jouer un de tes jeunes espoirs. Il gobera pas une place nécessairement dans ton alignement. Ça... Les petites affaires qu'il fait sur la glace, là, tu vas sûrement dire que ouais, mais il a pompé Zuccarello. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Okay? Il s'est peut-être juste réveillé par rapport là, de même, mais... je sais pas, Steve Ott, moi j'ai quand même bien aimé le petit côté peste qu'il apportait. King, écoute, pour vrai, moi je le mettrais en vente dans une animalerie. Je manquerais de tortue à vendre. Je suis sûr que ça passerait. c'est dégueulasse, Dwight King, ça a même pas de bon. Le gars a juste pas le goût d'être à Montréal, puis il l'a fait sentir à tout le monde. Mais on lui a quand même donné du temps de glace parce que réputation avant résultat. C'est de même que ça marche dans la Ligue nationale. N'importe quoi. Andrew Shaw, j'ai pas lancé la serviette. Je pense que l'année prochaine, va quand même se replacer. Tu sais, il y a une partie de moi qui est en beau joie le vert pour ouvrir de la défaite. Là, qu'on soit pas en série et tout. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit, regarde, je viens tellement fin d'année. Y a-tu le temps nécessairement de se bâtir? Non, oui, je sais. Come on! L'année prochaine... Continue. L'année prochaine, il va peut-être plus le mettre à sa main... Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il faut qu'il se passe de quoi avec ce club-là, parce que ça va donner moribond assez rapidement. C'est moribond! Oui, effectivement, mais ça va être encore pire. Puis c'est pour ça que j'ai un de mes points. Ça fait longtemps que tu le dis, puis je vais être d'accord en tabarnane. Je ne serais pas contre d'échanger une grande partie de l'équipe. Genre, je veux dire, présentement, il n'y a aucun intouchable dans l'équipe pour moi. Si c'est pour aller te chercher des bons choix de repêchage, aller te chercher des solides jeunes, s'il faut échanger un price pour aller chercher un bon jeune ou des choix de ronde qui te permet de repêcher dans le top 5, je le fais. Patcherly, même affaire. Puis Patcherly, je m'excuse, même si son contrat vient à terme dans pas long, un scoreur de 30-35 buts par année à 4.5, n'importe quelle équipe va sauter là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, il n'y a aucun intouchable à Montréal. Il faut penser à la reconstruction parce que c'est pas l'année prochaine, c'est dans l'autre d'après. Je vous le dis tout de suite, Radulov ne re-signera pas à Montréal l'année prochaine. S'il re-signe à Montréal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bergevin s'est fait crisser dehors. Ils ont été chercher le centre tant recherché. C'est soit ça ou on fait comme les Leafs l'année prochaine. Les Leafs, là, ce qu'ils ont fait cette année, puis je pense que j'avais vu ça dans un commentaire sur ton Facebook de quelqu'un, là. Je pense que c'est dans un de tes trucs à toi, que Lou Lamoriello a fait une meilleure job avec les Leafs en un an que Bergevin en 5 ans à Montréal. Puis c'est pas normal. Mais tu sais, enlève Radulov, là, puis dans les joueurs du core de l'équipe, ce club-là, on dirait que c'est encore Pierre Gauthier qui le mène. Oui, totalement. Tu sais, oui, il y a eu certains joueurs qui ont été échangés, comme, regarde, dernière partie, Emeline va sûrement s'en aller, est-ce que Plekanec va s'en aller, mais le club est encore trop pareil. Si on prend l'exemple des Leafs encore, là, justement, est-ce que Faneuf est encore là? Non. Est-ce que Kessel est encore là? Non. Tu sais, je veux dire, en partant, ça, c'était tes deux gros noyaux là, à l'attaque là, puis à la défensive. Oui. Il y a plein de nouveaux jeunes. T'as Matthews, Marner, Kapanen, Nylander. Je veux dire, ton top 9 a changé bout pour bout. Il reste Van Riemsdyk, là. Mais bon, ça marche encore. Il y a Kadri, ça marche encore. Mais ils ont 27 et 26 ans. C'est ça, ce sont quand la reconstruction, gratuits. Quand la reconstruction s'est faite, il y avait moins de 25 ans. Fait que tu savais que quand le club allait être à son plein potentiel, les gars allaient être dans la fleur de l'âge. D'où le fait que, je l'ai déjà dit dans un show, moi, si tu reconstruis, tout ce qui a plus que 25 ans, tu l'échanges. Parce que quand tu vas être prêt avec tes nouveaux éléments, faut pas que ceux que tu gardes soient trop vieux puis soient en baisse de régime. Faut que tout le monde rise en même temps. Faut que tout le monde arrive à son pic en même temps. Faut que ces gars-là que tu gardes, ce soient tes futurs leaders de ta formation. Kadri et Van Riemsdyk font un job incroyable pour encadrer les kids à Toronto. Qui aurait cru ça il y a quelques années? Non, c'est ça. C'est des jeunes vétérans qui les aident grandement. Puis le futur, là, je le répète, là, mais le futur est rose en maudit à Toronto. Là. Ça a même pas de bon sens comment que ce club-là me fait rêver. Je commence à avoir du sang de Leaf, là, je pense. C'est bien correct. Le sang bleu royal des Leafs. Dans les points que j'ai. Ah oui, ça c'est intéressant. Ah, j'aime ça. Le Canadien de Montréal, dans la défaite de 3-1 hier, a gagné 51% des mises en jeu. Ouais? Ah ouais? C'est le truc vraiment le plus important pour juger de la qualité d'un gars, hein? Ben oui. C'est, rappelons 12 ans, hein? C'est important. Le Canadien de Montréal a manqué de jus, ouais. Puis c'est juste la première ronde. Imagine. Ça aurait pas été mieux en 2, là. Ça aurait pas été mieux en 3. As-tu vu Markov? Dans les trois premiers matchs, ça allait bien. Après ça, la cadence, là, ça allait trop vite pour lui. Mm-hmm. Ben, il y a Ron Fournier, en plus, qui est sorti comme quoi que lui, il revoit pas à Montréal l'année prochaine le général Markov. Je serais pas surpris non plus qu'il veuille s'essayer pour la Coupe Stanley. On s'entend. Ouais. Bonne carrière. Ça serait cool de finir ça avec une Coupe Stanley. Je pense pas non plus personnellement qu'il re-signe à Montréal. Il pourrait le faire. Parce que ça prend un méga deal. Ouais. C'est sûr que d'après moi, il ne re-signe pas en bas de 5 millions. Là, c'est de savoir si Bergevin va vouloir mettre plus que 5 millions. Est-ce que ça serait bright de mettre plus que 5 millions? Non. Pour un an? Non. Même pas, parce que ça va te bloquer dans la signature de d'autres gros contrats ou un échange que tu pourrais faire que tu peux pas à cause de l'avance salariale. Fait que je mettrais pas deux sur un retour de Markov, mettons. Non. Soit dit en passant, le Canadien de Montréal est t'as 13% de taux d'efficacité en powerplay. 3 en 23. Je sais pas, là, mais ça a l'air que Weber était là pour régler ça, entre autres. Bon, ça y est. Oui, j'ai lancé la bombe. Chez Weber. J'ai droppé la bombe. Il a été de loin le meilleur défenseur du Canadien de Montréal. On est d'accord. Mais le Canadien est éliminé. Le grand leadership qui était censé amener, l'efficacité sur le power play qui était censé amener, c'est ça qu'on nous vendait quand on a acquis chez Weber. Que tout était de la faute à Piquet-Souban, puis que finalement, c'était ça le problème. Donc, que là, on était tellement mieux nantis et qu'on pouvait viser les grands honneurs avec un défenseur de la qualité de chez Weber et un gardien à la Carey Price. Je dis pas qu'il est pas bon, là. Je demande juste à savoir si c'était vraiment le meilleur joueur pour la situation du Canadien de Montréal. Ce n'est qu'on nous vend du rêve pour rien. Ah, moi avec. Mais même pas du rêve. Tu sais, quand je te dis vendre du rêve, moi, les Oilers d'Edmonton me vendent du rêve depuis des années, puis gars, ça se concrétise. Les Maple Leafs de Toronto, pour moi, me vendent du rêve. Et gars, déjà, on voit les premières flamèches de tout ça. Tu sais, le brasier qui est en train de se pogner. Je disais qu'ils vont se faire éliminer en 4, puis non, même pas, tu sais. Ils sont ça en train de. Encore ben oui, c'est ça, tu sais. Puis ils peuvent la gagner, cette série-là. Puis ça se pourrait que ça se fasse en 6, tu sais. J'aime ça rêver de cette façon-là. Moi, me dire que, une fois en série, tout est possible. Arrête. Puis arrête de me dire qu'avec le meilleur gardien de but au monde, avec Carey Price, que tout est possible. C'est pas vrai. Carey Price est rendu à 28 ans. 27. Il a le même âge que moi. Non, il est plus que ça. Il a 29 ans. Il a quel âge, Carey Price? Jerry! Je le sais pas. Il était repêché en 2005, il avait 18. Faites le calcul, 12 ans de plus. Il est né en 87, donc il a 29 ans. Il a 29, il va être 30 cette année. Ouais. Ce que je disais, j'en disais avec Luc Desormeaux, qui nous a d'ailleurs posé une question un petit peu plus tard pour les passes à la palette. Carey Price, même s'il est le meilleur gardien de but au monde en ce moment, là, admettons, là. T'sais, d'ailleurs, il est finaliste avec Bobrovsky et Holby pour le Vezina. Soit dit en passant, il y en a deux déjà qui sont éliminés en playoff. Fait que d'avoir le meilleur gardien, c'est-tu tant que ça la meilleure façon de gagner? Parenthèse fermée. Carey Price, mettons qu'il est le meilleur au monde. Là, à son contrat, il offre ses performances-là au prix qu'il est payé en ce moment. Est-ce que ça va être un meilleur deal pour le Canadien de Montréal de voir Carey Price qui va offrir les mêmes performances? Parce qu'à un moment donné, tu peux pas être plus meilleur que le meilleur des meilleurs, là. Je pense pas qu'il peut s'améliorer encore. Est-ce que ça peut être un meilleur ratio de performance versus salaire et le impact sur la masse salariale s'il est payé 10 millions au lieu de son 5 point quelques en ce moment? C'est quoi son salaire? 5.5 ou 6.5. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que ça peut vraiment être un meilleur deal pour le Canadien de Montréal? Non. Carey Price est à 6.5 en ce moment. À 10 millions, est-ce que le Canadien de Montréal en a plus pour son argent? Non, parce que même si tu leur signeras à 5 millions, tu aurais un autre 5 millions pour signer quelqu'un d'autre. Ou deux joueurs à 2.5 chaque. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on pourrait l'échanger. Puis la proposition qu'on faisait là, avec les Ducks Anaheim, là. Entre autres, là. Mais tu sais, les Ducks, ils ont passé facile la première ronde. C'est un exemple, là, mais il y a bien des clubs qui seraient prêts à offrir la lune pour Carey Price. pourquoi on le prendrait pas? Totalement. Imagine le méga deal que tu pourrais faire, là. Mettons, je dis ça comme ça. Price, tu peux mettre un Galchenyuk. Ça s'échange-tu sur le Colorado, tu penses? Ben, je pense que oui. Mettons que tu meurs vers la mauve, là, dans le trade. Là. On récupère un goaler. Ouais, t'es un peu vieux, souvent blessé. Ben, c'est pas grave, ça. Moi, je. Mettons, là, on dit Détroit, là, tu sais. Moi, là, tu mets Manta, Antanasiu et tu mets Mrazek contre, contre Price. Mettons, là. Ah, je suis sûr qu'on en est plus. Parce que c'est Détroit. Ouais, parce que c'est. Ok, ouais, c'est dans l'Est. Mettons, on trouve un club de l'Ouest, là. Qui pourrait être intéressé à Carey Price dans l'Ouest? J'aurais dit les Oilers, mais Cam Talbot a 42 victoires cette année. Ça roule en tabarouette. Je l'aurais mis dans les trophées Vezina bien avant d'autres joueurs. En tout cas, moi, Price cette année, il mérite même pas sa nomination pour Vezina. Non. Moi, je pense que c'est Dominique qui aurait dû être là. Mais je te l'avais dit sur le dernier show, la fin de saison, comme c'est des humains qui votent pour la place en la place pour la nomination, ben la fin de saison a eu un impact tellement négatif, mais on a oublié le bout où est-ce qu'il était tellement plus fort que le reste de la ligue. Là. Ouais, mais je veux dire, bon, tu mets Dominique, moi je mets Talbot, mais les deux auraient mérité la place. Non, c'est ça, tu sais. C'est... Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Je suis tanné du Canadien, pour vrai. De plus en plus, je suis tanné. Je t'ai contaminé, mon Jerry. Ah, man, moi, là, de plus en plus, je commence à aimer les Leafs. Le modèle qu'ils nous offrent. Les jeunes, c'est la nouveauté. Les Leafs vont rentrer dans l'avenir de la Ligue nationale. Là. C'est ça, puis les Oilers, ça va se battre en finale d'une Coupe cette année dans les prochaines années, ça. Ouais. Je fouille un petit peu, là, mais il n'y a rien qui m'allume là pour S-West. Là. Pas évident. Ben quand même, on pourrait l'échanger dans une équipe de l'Ouest contre un gardien potable et des jeunes qui peuvent aider le Canadien. Mais pour vrai, le pire, c'est que j'aime ton avec Détroit, je l'aime ton offre d'échange. C'est juste que, justement, le facteur Est, je suis quasiment sûr qu'il nous demanderait autre chose. Pour ça. Mais Manta pourrait être un bon fit à Montréal. Atanasio ou. Mettons Ouellet, tu sais, pour avoir un défenseur pour venir greffer. Ah oui, ça serait. Vous aviez bon, Ouellet, là, à 23 ans, là. Moi, elle le prendrait, tu sais. Ouais, mais. Je dis pas non. Tu sais, les autres, là, là-bas, là, ils ont deux gardiens en Howard puis Mrazek. Puis c'est 10 millions de salaire qui vont ces deux gardiens. C'est un peu n'importe quoi. Mais Howard, ben, écoute, les Flames. Mettons les Flames. Ils n'ont pas de gardien, là. Tu sais, ça va pas bien, là. Ben, ils ont Brian Elliott. Ben oui. Tu sais, tu ramasses, tu sais, mettons, là, Lazare, Sam Bennett. Ah ouais, Sam Bennett, moi, c'est un bon fit. J'adore ce joueur. Puis, tu sais, tu pognes. Écoute, ils tombent UFA les deux, hein, les gardiens de but. C'est weird. Tu sais, ça prend un gardien de but en retour, mais en même temps, il est pas obligé de venir dans le deal de Carey Price, tu sais. Non, c'est sûr, on peut échanger Galchenyuk pour un jeune goaler. Ouais, exact. Tu peux faire un trade Galchenyuk à un jeune gardien, puis après ça, t'échanges Price, puis c'est ça. Tu sais, il y a un peu de magie là, à faire, là. Mais faut juste qu'il essaie d'en faire. J'en reviens à la situation de Carey Price, tu sais. D'être payé plus, ça va pas améliorer la situation du Canadien de Montréal. Puis même chose, tu sais, t'as Max Pacioretty, là. Ce sera pas long qu'il va avoir besoin d'un nouveau contrat. Est-ce que Max Pacioretty, plus payé pour les mêmes performances, c'est un bon deal pour le Canadien? Ben non. À 4.5, là, heureusement, il reste deux autres saisons à son contrat, là. Mais quand il va devenir UFA, là, en 2019-2020, là, il va vouloir plus, là. Ça sera pas un bon deal. Il va être rendu à 30 ans, ses performances vont commencer à baisser. Puis, il offrira pas plus de performances éclatantes pour un plus gros salaire. Ce sera pas un bon deal, tu sais. 5 millions chaque, pas plus. Ben, puis, tu sais, pour toutes les années où est-ce qu'il va avoir été, entre guillemets, sous-payé, il voudra pas, là. Encore une fois, c'est un contrat à Andrew Shaw, tu sais, qui est 1 million trop cher, à Tomáš Plekanec, qui est 3 millions trop cher, tu sais. C'est des contrats de même que tu viens chercher, tu viens grappiller l'argent que tu peux pas offrir aux autres. Jeff Petrie, qui est à 5.5. Toi, là, dans les présents de playoffs, là, t'as-tu capoté sur le jeu de Jeff Petrie? No! En fait, j'ai pas capoté sur ben de jeux de certains joueurs, sauf, comme je te dis, Radulov. Puis le trio à Plekanec était correct, là. Gallagher s'est réveillé, Plekanec était plus intense, puis le Conan, comme tu dis, était une belle révélation. Mais à part ça, c'est assez relax côté impressionnation, là. Jerry, là, ce qu'on vient de voir là, se faire sortir en 6 par les Rangers de New York là. C'est un club qui est dans sa fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. D'après moi, la fenêtre est petite en tabarnane. C'est une petite là, genre 4x4. Faut que ce soit contorsionniste passer là-dedans là. Ouais, puis 23 joueurs passent pas là-dedans. C'est des images bizarres le matin. Mais non, ouais, là, je suis totalement d'accord avec toi. Si ça, c'est le club qui est dans la fenêtre d'opportunité, là. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour être dans ça? Tu sais, vraiment, là, être aspirant pour la Coupe Stanley. Le gardien de but, on l'a. Un défenseur numéro 1, on l'a. Ça prend une brigade en arrière de lui. Ça prend Markov, un bon top 4. Ça prend un bon top 4. Carrément, ça prend un bon top 4. Markov, non. Petrie, ish. Ben. Emeline. Le pire, c'est qu'Emeline, ça a quasiment été un de tes meilleurs joueurs hier. C'est pas normal. C'est lui qui a fait le but. C'est pas normal. Tu le vois drette là qu'il y a un manque d'offensive. Là. Non, mais Emeline aussi, c'est moyen. Petrie, dans le top 4, ok, ça passe. Faut juste avoir un bon joueur à côté de lui, mettons. Là. Mais à l'attaque, là, je veux dire, comme tu dis, quand Paul Byron est ton deuxième meilleur scoreur, il y a un problème. Patcherly, bien beau, ok, mais ça prend d'autres choses. Ça prend un Galchenyuk qui est capable de jouer dans sa. Dans ce qu'il est capable de faire, c'est contrôler la rondelle puis shotter au net. Mm-hmm. Ce qui ne fait pas. T'as-tu remarqué toutes les entrées de zone de Galchenyuk? Rentre dans zone, garoche la rondelle dans le fond. Mais oui, mais c'est ça le système de jeu. Oui, mais ça marche pas. Check, le seul. Oui. Non, mais. Si en plus, il fait pas des entrées de zone comme le coach il veut, là, il va se faire crucifier sur la place publique. Là. Non, mais je comprends. C'est à peu près ça l'affaire qu'il fait comme le coach veut. Quand il est rentré dans la zone un moment donné, là, qu'il a déjoué deux joueurs, il a été super patient avec, puis il a fait une belle passe à Weber. Gatchek est capable de faire ça. Ça, c'est un jeu qui est récurrent. D'ailleurs, il y a, sur le match numéro 5, il y a un but qui a été mené de cette façon-là. Galchenyuk rentre avec la rondelle, arrive à peu près aux oreilles, freine et renvoie la rondelle au défenseur. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que les 5 gars soient en mesure de rentrer dans la zone. C'est ça qu'on veut. Au lieu de pointer directement vers le gardien de but, on permet à l'autre équipe d'installer sa défensive, puis nous, on veut se positionner un petit peu comme si on était en avantage numérique. Donc, passe de l'ailier vers le défenseur à la pointe. Ben, à un moment donné, ce jeu-là qui était tellement habituel pour le Canadien de Montréal, la passe a été coupée. Il y avait un joueur dans le chemin, Galchenyuk a essayé de faire une petite sauceur. Ça n'a pas marché. Ça a été coupé, échappé, le but. Merci, bonsoir. Là, tout le monde disait, c'est-tu la faute à Beaulieu qui a essayé de retenir l'attaquant mais que l'autre y arrivait trop vite? Non, pas tout à fait. Écoute, c'est de la faute à Carey Price? Ben non, c'est un gars sur le gars qui tire super rapidement en déplaçant le gardien de but gauche-droite. Ça crée une ouverture entre les jambes. Alors, c'est pas tout à fait la faute à Carey Price. Donc, ben ça doit être la faute à Galchenyuk. Sa passe a été coupée. Ben non, c'est pas la faute à Galchenyuk. C'est le jeu que le coach demande de faire 60 fois par game. Il y a juste une shot que le gars il était en mesure de l'anticiper assez vite pour couper la passe. C'est la faute à personne, mais ça a quand même mené un but. C'est plate, c'était Galchenyuk sur ce fois-là. Mais pour une fois, il y a un joueur qui rentrait avec la rondelle dans les mains. Ça arrive jamais chez le Canadien de Montréal. Jamais. On cherchait un but là, hier. Là. C'était 2-1. Là. On cherchait un but. Qu'est-ce qu'on fait? On la drop dans le fond, puis il y a du sideling dans le fond le long de la rampe. Zéro rondelle en avant du but. Zéro. Les powerplay, est-ce que tu as calculé le nombre de passes qu'il y avait sur la rondelle qui passait en arrière du but adverse? La rondelle faisait des U. Elle faisait juste faire des U. Là. Il devait en avoir une vingtaine. Là, sérieusement, là, C'est pas avec des passes comme ça que tu vas la mettre dedans. Là. Ça, c'est un club rapide, hein, by the way. Là. C'est censé être le Canadien, un des clubs les plus rapides de la Ligue nationale. De la misère à aller plus vite que l'autre club. En avantage numérique, tu sais, c'est comme... Si t'es obligé de faire du cycling de même, là, c'est parce que tu te fais coller par les gars. Quand t'es plus vite que l'autre équipe, ils sont obligés de se mettre en formation boîte puis ils espèrent de bloquer une passe une fois de temps en temps ou bloquer un tir. Ça arrivait pas, là. Non. Puis même faisait du cycling. Même à 5 contre 5, là, le Canadien jouait comme s'il était en désavantage numérique. Tout le temps. Tout le temps. C'était dégueulasse. Avais-tu un point que tu voulais aborder, mon Jerry? Ouais, j'ai un point. Il y a beaucoup d'agents libres l'année prochaine. Ça, cette idée-là m'est venue directement dans les coulisses parce que je lisais quelques points et je disais, hey, c'est vrai ça. On parle des agents libres qu'il y en a une couple l'année prochaine. Il y a Radulov, un des favoris de la foule qui, attendez-vous pas à le revoir l'année prochaine à Montréal. Dwight King, un autre favori de la foule, mais pas pour les mêmes raisons. Brian Flynn, Steve Ott, Martinson et Andrei Markov. Sont agents libres sans restriction l'année prochaine. Ouais. Honnêtement, je suis convaincu qu'il n'y en a aucun là-dedans qui va revenir à Montréal l'année prochaine. Ce qui m'amène... Si... Dans les UFA, là. Ouais. Donc, Radulov, King, Flynn, Ott, Martinson, puis Markov. Je suis sûr qu'il n'y en a aucun là-dedans qui va revenir à Montréal. Et, advenant le cas... Bon. Hey, petite parenthèse, on a-tu dit que c'était un club qui était en fenêtre pour la Coupe Stanley? Oui, enlève ça, ta fenêtre. Enlève tout ça, là. OK, ah, continue. Les deux importants maintenant, c'est Radulov et Markov. Là. Les autres, c'est du 4 puis 3e trio. Je veux dire, il y a du stock qu'on peut remplacer assez rapidement là-dedans. Là. C'est pas important. Là. Benjamin est habitué d'en en chercher, fait que c'est correct. Là. Il va trouver ça, moyen. Là. C'est ça. Mais tu sais, tu perds André Markov, tu perds ton top 2, top 4. Facile. Il est dans le top 4 de la défensive. On en parlait là quelques secondes. Si t'enlèves Weber, là t'as Weber, il va manquer quelqu'un à côté de lui. Oui. Petrie Hamlin. Oui. Sur le top 4, c'est correct, mais pas sa première paire. Puis encore là, c'est moyen. C'est Sergachev qui s'en vient, là. Ben c'est ça, là. Tout le monde va vouloir ça, là. Puis là, ils vont le brûler. Sergachev n'est pas prêt à chausser les patins d'André Markov. Ça, c'est clair. Et peu importe ce que le Canadien repêche l'année prochaine, il n'y a aucun joueur qui est prêt, à moins d'une extrême surprise, et je n'en suis pas convaincu. Il n'y a personne qui prend la place de Markov l'année prochaine s'il signe pas à Montréal. C'est un draft assez faible cette année en plus. En plus. Fait qu'on fait quoi avec ça? Ah, puis en plus, Radulov, tu joues dans ton top 6 à l'attaque à l'aile droite. Ouais. Il est plus là. Tu fais quoi? Puis, tu sais, rajoute à ça ce que les gens oublient, là, parce que là, c'est des séries, mais il y a un repêchage d'expansion, hein. Tu perds un de tes gars qui est sous contrat pour absolument rien. Plekanec ou Emlyn? Hey, ça te crée encore un autre trou. Ben, faut que ça soit des gars que, un, le Canadien protège pas, puis de deux, que l'autre club veut, parce que. Écoute, je regardais ça, là, puis tu sais, est-ce que le Canadien va vraiment protéger Charles Hudon? Parce qu'ils n'ont pas le choix, là, s'ils veulent le garder, là. Non, est-ce que Hudon est en avant de Pacioretty et Emeline? Mais Pacioretty va se faire. C'est ça. Pas Pacioretty, je veux dire Plekanec. Ouais. Ben, moi, logiquement, Plekanec et Emeline ne sont pas protégés juste pour le salaire. À la limite, s'ils te le prennent pas, t'es garde. Mais. Si Plekanec se prend, là, tu vas avoir ta raison de le monter, Hudon. Oui, ça sera au moins ça. Ok, gars, on va le faire là, ensemble. Notre liste de protection du Canadien de Montréal. Je vais t'envoyer le lien. On l'avait pas déjà fait, ça. On le refait. Là. Les séries sont faites. On protège pas Markov ni Radulov parce qu'ils sont UFA. Tu viens de dire qu'ils reviendront pas. Je suis pas mal d'accord. Fait que là, ben, on protège Pacioretty, Shaw, Gallagher, Galchenyuk, pas trop le choix, Byron, Dano. Ben, le pire, c'est que Dano est pas mauvais. C'est ça l'affaire. Dans le sens que, dans sa chaise, Dano va remplir sa mission à 100%. Mais pas en premier centre. Là, il nous manque un attaquant. On protège qui, là? Pas King. UFA anyway. Ben, Byron. Barron. Ben, moi, je l'ai mis, là, déjà. Là. Ah, ok, ok, j'avais pas. Flynn, De La Rose, Hot, Carr, Chris, Hudon. Moi, je protégerais Hudon, tu sais. Ben, moi aussi. Mon septième, c'est Hudon, ok. En défense, Weber, t'as pas le choix. Petrie, t'as pas le choix. D'ailleurs, il y a une clause, fait que faut que tu l'honores. Après ça, c'est qui le dernier? Ben, Jordy Benn. Jordy Benn. Okay. Même s'il y a 29 ans, je m'excuse, mais Jordy Benn. Ok, donc ça laisse Emilin, Beaulieu, Davidson en défense. Markov, Emilin, Davidson, Beaulieu, Keegan Lowe, Nesterov, Dalton Schroer, puis Zad Redmond. Libre. On pas trop inquiet. Au pire, ils vont pogner Emilin. Au pire. Parce que Markov est UFA. À moins qu'on le signe avant, puis là, ben, on est obligé de protéger Markov avant Ben. Pas sûr que c'est un si bon deal que ça. En attaque, Plekanec, King, Mitchell, Flynn, De La Rose, Hutt, Carr, Chris, Mato, Terry, Fribert, puis Farnham. Rien d'inquiétant, ils vont pogner Plekanec. C'est bon, fait qu'il faut protéger Hudon. Ouais. T'es obligé de protéger un gars qui est pas dans la ligne nationale parce que ceux qui sont dans la ligne nationale sont pas si sacoche que ça. Sinon, ben, t'enlèves Hudon pis tu protèges Plek. Pas sûr que c'est un bon deal, là. Mais c'est ce qui va arriver, par exemple. Ben, je sais bien. Ah. Fait que là, ils vont prendre Hudon. Non? Avant de pogner Emilin, ils vont pogner Hudon. T'as quasiment pas de salaire à payer. Il est à 625 000 puis il brûle la Ligue américaine. C'est un beau guess à prendre. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Soit tu protèges Plek, soit tu protèges Hudon. Puis ben, le gars des deux que tu protèges pas est le gars qui ramasse. Selon les besoins rendus là. Parce que, tu sais, Plekanec et Emilin, entre les deux, je prends Emilin, tu sais, côté salaire, là. Fait que ça veut dire que tu restes avec Thomas Plekanec, là. Même si tu te protèges pas, tu restes avec Plekanec. C'est tellement de marde que même si tu le protèges pas, t'es pogné avec. Hein? Ah, le Canadien de Montréal. Fait que le truc, c'est de changer d'équipe. Prendre pour un autre club. Ouais! D'ailleurs, toi, t'es-tu de ceux qui vont suivre les Prédateurs de Nashville à partir de maintenant? Moi, j'embarque dans le bandwagon. D'ailleurs, c'est une des séries que j'ai le plus regardées jusqu'à maintenant. Les Preds, ils ont été magnifiques en première ronde. Est-ce que tu embarques dans le bandwagon? Pas de suite. Pourquoi? Pas de suite? Parce que moi, je suis avec les Leafs encore et ils sont pas éliminés. C'est cool. C'est une dans l'Est, une dans l'Ouest. Ça peut être cool. Ouais, ben moi, c'est Leafs Edmonton. OK, c'est bon. Moi, j'ai hâte de voir si Boston passe. Ce que je souhaite pas, là. Hey, Ottawa-Boston, le match numéro 5, là. Deux périodes de prolongation, deux buts refusés par l'arbitre en première période de prolongation pour les Bruins. Ça, le match de la mort qui tue. C'était tellement intense, c'était hot, c'était solide. Même ces deux clubs de marde. Si on regarde talent pour talent, là, c'est deux clubs de marde, mais c'était le fun. Bon. Fin de la parenthèse. Dans ta parenthèse, t'as ouvert quelque chose. Oui, vas-y. Deux buts refusés. Je les ai pas regardés, là, mais l'arbitrage. Oui! Ah, je sais que t'aimes ça, parler de ça, en plus. Ah! Moi, là, j'ai jamais été un fervent admirateur du arbitrage saison et arbitrage playoff. Moi, je m'excuse, là, mais... Ça sort d'où, cette espèce de mentalité de marde, là? Pour vrai, là. Je veux dire, dans les matchs contre les Canadiens et les Rangers, puis je ne vise pas que des joueurs des Rangers. Je veux dire, le Canadien aussi faisait des affaires, là. Mais des fois, là, on dirait qu'il aurait fallu, genre, souligner à la tête d'un joueur pour avoir une pénalité, tu sais. Ben, en même temps, regarde, dans le dernier match, Max Pacioretty a fait un double échec dans la face de c'est contre qui s'est battu? C'est contre le... Bon, Vici. Il fait un double échec dans la face, c'est pour ça qu'il est pénalisé, c'est sa bataille après. Une chance qu'ils se sont battus. Ah ouais. Tu sais, ça va dans les deux bords. Là. Il y avait de l'excès des deux côtés. Puis, que tu sais, même si t'es partisan du Canadien, c'est sûr que tu vas voir plus ceux des Rangers, mais si moindrement que t'es neutre, tu vois qu'il y a des excès des deux côtés. Tu sais, s'il vote, il y a une coupe de shot que tu flatter les cheveux de l'autre, boire dans la gourde du gardien de but. C'est pas. Tu sais, c'est limite en tabarouette, là. Non, c'est ça, mais c'est surtout le. Il y avait des affaires des fois, là. Pis je parle pas genre des excès, là, mais des fois il y a des trippings évidents. Des fois il y a des il retenait le bâton, c'était évident. Il y avait les deux joueurs tombent dessus, l'autre reste sur l'autre joueur en regardant le jeu aller dans le sens de yo, tu le retiens à terre, t'as pas le droit de faire ça. Là. Je dis, c'est des règles de base qui n'étaient juste pas respectées. Là. Tu sais, comme j'avais partagé un texte sur Facebook qui parlait justement de ça, que c'est probablement le seul sport que les arbitres laissent les joueurs décider de l'issue de la game, genre. Imagine au basket, ça c'est un exemple qui était mentionné dans le texte. Imagine au basket que Curry part avec le ballon dans une finale contre Cleveland, mettons, là. Il arrive pour rentrer le tu sais, il fait un tir pis tout, ou un alley-oop, pis t'as LeBron James qui rentre dans Curry pour le ramasser pis qui revole 6 bandes en arrière, et que l'arbitre fait « Ah, y'a pas faute, je laisse les joueurs décider de l'issue du match », tu sais. Je dis, honnêtement, c'est épais, là. Je dis, t'as des règles, s'ils sont pas capables de les respecter, même si tu leur donnes 15 désavantages numériques parce qu'ils jouent comme des maudits malades, ben c'est leur problème à eux autres. Ça finit là. Ouais. Ils veulent tellement pas causer, influencer le match que ça devient ridicule. Ben c'est parce qu'en influençant pas le match, ils veulent tellement pas interférer qu'ils interfèrent dans le jeu. Ben oui, c'est ça, exact. C'est... Tu causes ce que tu veux pas causer parce que c'est ridicule. C'est ridicule, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai... Ouais, c'est ça. C'est triste d'énerver au point où est-ce que, tu sais, une saison comme ça, ça a donné quoi, tu sais? Moi, je me pose sincèrement la question, là. À quoi bon te rendre en série si c'est pour te faire sortir en première ronde? Pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Ça a donné 5 millions par match au Club du Canadien de Montréal. C'est pas mal tout ce que ça a donné, là. Moi, je suis tanné de ça. Ouais. De me faire dire, une fois en playoff, tout est possible. Ah, avec Carey Price, le meilleur gardien de but au monde, il est rendu à 29 ans. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser cet argument-là bien, bien longtemps encore? Il est le meilleur, fait qu'on a une chance. J'ai de la misère à voir des perspectives très, très positives sur le Canadien de Montréal si on maintient... Si on maintient l'alignement comme il est là, si on fait pas des changements drastiques, tu sais, on a vanté l'arrivée de Claude Julien au départ, puis là, tout d'un coup, bon, on se questionne à savoir si c'est encore un bon coach. Je pense que oui, mais c'est pas le coach le plus réactif sur le jeu, alors qu'à l'inverse, ben, Terrien, c'était ça sa force, puis qu'à un moment donné, ça a fini par le brûler, tu sais. C'est que, il y en a pas de situation parfaite pour le Canadien de Montréal dans l'état des choses actuelles. Non, parce que je te dirais là que le plus grand changement qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait faire du bien à Montréal, c'est un changement de mentalité. Je l'ai déjà mentionné sur le show, là, mais les vieux joueurs, là, les anciens Canadiens, là, câlissez-moi ça dans les vidanges. Moi, je te dis, là, genre, arrêtez. Tu parles dans les médias ou tu parles autour ben, de... Les médias, je m'en fous pour vrai, là, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, là. Mais moi, là, on va demander à Serge Chavard c'est qui le prochain DG. Non, esti. Calice, non. Je te dis, moi, si tu m'héberges jamais dehors, là, c'est pour changer la mentalité carrément. Tu vas arrêter d'aller chercher des joueurs qui disent, on a besoin de profondeur, on a besoin... Non, non. On veut du talent, on veut du nouveau stock, on veut une nouvelle mentalité, on veut de l'offensive. Ça suffit, la petite trappe, là, dans le fond. Là. C'est de même depuis 1950, là. Faut que ça change. Mais du 1-3-1, c'est tous les clubs qui font pas mal ça dans la Ligue nationale. Il y en a très, très peu qui le font pas. Moi, c'est dans la constitution du club, tu sais. Ouais, ben c'est... Dans la mentalité, là, comme tu disais, là. Ben, tu sais, ils ont une mentalité défensive, une mentalité, justement, de Galchenyuk, t'as pas le droit, faut que tu sois bon défensivement, puis gagne tes face-off, on va s'en caler, c'est carré dans ce carré 30, puis il y a des mains de magique. Je veux dire, laisse-les faire. C'est clair qu'il va faire des erreurs, comme tous les joueurs dans l'innocent ont fait des erreurs. Est-ce que t'as déjà vu Crosby faire une erreur? Oui. Est-ce que t'as déjà vu Ovechkin faire des erreurs? Oui. Est-ce que McDavid a fait des erreurs? Oui. Matthews a probablement fait plein d'erreurs cette année. Est-ce qu'ils ont fait les séries pareilles? Oui. Arrête. Ça finit là. Je vous ai laissé les jouer. OK. J'essaie de remettre en perspective parce que, tu sais, comparativement à ailleurs, mettons là que les Caps de Washington se font éliminer là, par les Maple Leafs de Toronto. Ça serait magique. Oui, ça serait magique, mais regarde plus loin que ça. Là. Par rapport à la situation des Caps de Washington, tu dis c'est un excellent club, mais en série, ils sont pas capables de gagner. Fait qu'à un moment donné, même si sont bons en saison régulière, faut que tu changes des choses parce que tu te rends pas plus loin là où est-ce que c'est important. Le Wild du Minnesota s'en vient dans cette situation-là. Ça fait quelques années que ça semble être sérieux puis que finalement, ça fait patate en playoff. On dit, OK, il faudrait peut-être regarder pour changer la recette éventuellement. Les Blues de Saint-Louis, là, sont vraiment forts, sont vraiment dominants. Ils ont sorti ça rapidement. Mais il n'y a pas si longtemps, on se questionnait à savoir si c'était vraiment la bonne formule. Qu'est-ce qu'il fallait changer pour que, c'est vraiment en playoff, là où est-ce que ça compte, qu'on soit en mesure de step up la game, de passer au prochain niveau. Le Canadien de Montréal... Ça va prendre quoi pour passer au prochain niveau? Parce qu'en ce moment, là, le niveau qu'on nous présente, c'est un club qui est bon, pas trop mauvais, pas excellent, mais pas juteux, pas écœurant, pas qui vise la clôture. On vise les playoffs, puis advienne que pourra par après, on a atteint l'objectif. Moi, j'ai hâte de voir la conférence de presse de demain de Marc Bergevin qui va nous dire, certainement, on a atteint notre objectif premier qui était de faire les séries. Bullshit. C'est rendu ça le succès au hockey? Faire les séries? Non, pour moi, le succès, c'est de gagner la Coupe Stanley, tu sais. Donc, si des équipes comme bien plus puissantes là, en saison régulière, là, comme le Wild, comme les Blues, comme les Caps de Washington, se posent la question à savoir, on fait-tu la bonne affaire? Ça serait-tu le temps qu'on change pour gagner la Coupe Stanley? Comment ça se fait que le Canadien, lui, peut continuer sur le pilote automatique en se disant, ben la vie est belle, on a atteint les séries? T'es dans ta fenêtre d'opportunité avec des joueurs comme Shea Weber, Carey Price, dans la fleur de l'âge, au meilleur de leur performance, avec un Radulov, un Pacioretty. T'as un noyau qui est pas mauvais, mais qui est clairement pas assez impressionnant encore pour pouvoir passer au prochain niveau. Puis on se permet de faire ça et on rajoute l'insulte à l'injure. On augmente le prix des billets année après année. Ouais, parce que le centre qui est tout le temps plein. Les amateurs ont pas encore parlé. Le but, c'est pas de gagner la coupe. C'est de remplir le but, c'est de remplir l'aréna puis de faire de l'argent. On a fait de l'argent. Merci, bye. Tu sais, quand je te dis que la vraie game, c'est pas ça à glace qu'elle joue, c'est pour des affaires de même. Le vrai architecte, la vraie personne qui a une influence sur le résultat sur la glace, c'est le directeur général. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas impressionné. Je ne suis vraiment pas impressionné. Après 5 ans, puis tu le disais tantôt, les Maple Leafs de Toronto, eux autres, check ça la magie qu'ils ont faite en 2-3 ans. Depuis le moment qu'ils ont décidé que c'est assez là, de viser à clôture, on va faire de quoi? Là, parce que c'est la première fois en 4 ans qu'ils font les playoffs. Fait que ça fait 3 ans qu'ils ont fait le changement de mentalité. Eux autres, déjà, ils voient l'avenir pas mal plus radieux, je pense, que le Canadien de Montréal. Ils ont fait un changement de mentalité. Ils ont décidé qu'eux autres, vis à clôture, c'était plus assez pour eux autres. De remplir l'aréna, c'était pas ce qui comptait vraiment. Si tu gagnes pas la Coupe Stanley, retourne chez vous. Si c'est pas ça ton objectif, rentre à la maison, sac-nous patience. On est en maudit après le club. Ouais. Go, Leafs, go. Go Oilers. Moi, j'aimerais ça que déjà. Ça serait. Mettre une petite Coupe Stanley dans leur pack sac, tu sais. Ça serait cool. Ça serait vraiment. Très cool. Donc, je te pose la question, Jerry. On sac-tu Bergevin d'or? Je dis pas non. Je dis pas non, mais s'il reste, faut qu'il bouge. Faut qu'il fasse le gros move. Puis venez pas faire un Subban Weber. Je veux quelque chose de plus. Ben moi, je fais un move Pacioretty contre Zetterberg. Non, c'est pas vrai. Je suis sarcastique. Là. C'est ce que je pensais. Je ferai un move Markov contre Lidstrom. On peut prendre Datsuk dans le deal, même s'il n'est plus à Détroit. Oui, non, c'est ça. On va le prendre. Tu sais, c'est vieillir. C'est une ligue de jeunes. C'est quoi ce move-là? Même si le talent... Tu sais, même si Weber est meilleur là que Subban... Perdre 4 ans des meilleures années de ton meilleur joueur en défense, c'est jamais un bon deal. Ça pouvait pas être un bon deal. Je suis encore convaincu que le deal est bon, mais ça manquait de Subban hier. Ça manquait Oui, t'as dit ça hier, puis il y a du monde qui t'ont revenu là-dessus. Explique-nous pourquoi tu dis que ça manquait de Subban. Parce que ça manquait de tassez-vous de là, je vais pogner à puck puis je vais rentrer dans la zone, essayer de faire de quoi, tu sais. Ça manquait de... On va sortir un peu du plan de match, là, puis on va faire de quoi, là. Tu sais, genre, comme tu disais tantôt, tout le temps répéter les mêmes affaires, tout le temps refaire le... Je sais pas, la même rentrée de zone avec la puck dans le fond, puis ça marche pas, change un peu, tu sais, je veux dire... Souvent, il était imprévisible, c'était ça qui était plaisant des fois. Même si des fois, ça nous faisait sacré, mais quand même. Mais tu sais, de la volonté de gagner, là, ça peut être le fun. Ben oui, effectivement. Me semble qu'hier, là, ça manquait de « Hey, m'a donné un petit coup de Sherwood de plus. M'a donné une petite mise en échec plus intense. Tu sais, de hargne. De « Je suis là, puis je veux avoir un impact sur la game. » Ça manquait de ça dans ce club-là hier. Il y avait du passager en tabarouette. Ouais. As-tu d'autres choses à mentionner, Javi? As-tu d'autres sujets? Non, je pense qu'on pourrait peut-être passer au passe à la palette parce qu'on a une coupe. Oui, on en a quelques-unes des passes à la palette. Merci, gang. Pour vrai, j'ai l'impression que l'élimination du Canadien de Montréal vous a joué dans le dedans au niveau émotif parce que rarement on a eu autant de passes à la palette. Génial, on est très très content de ça. Pas que le Canadien nécessairement soit éliminé, mais on est content de voir vos réactions puis que vous vous tournez vers nous autres pour avoir de l'expertise. Donc, il y a Luc Desormeaux, mon comparse de la réalité augmentée, qui demande si on devrait changer Price pendant qu'on peut encore avoir un quelque chose pour lui. Ça, on a un peu mentionné pendant le show. Je serais pas contre l'idée. Mais ça... est-ce que le Canadien est vraiment tributaire de Carey Price pour avoir du succès? Ben, mettons que c'est le plus grand espoir du Canadien en ce moment, c'est qui? C'est Carey Price. C'est facile de dire, on a Carey Price, fait que on peut aller loin, mais en même temps, c'est vrai pour Carey Price. Non, mais c'est parce que, c'est ça, c'est qu'on fait l'analyse, le gars en tant que performance sur la glace pour le club. Oui, si tu dis il est dans l'alignement, ça passe par lui grandement, tu sais, les succès de l'équipe, mais... Carey Price est avant tout un effectif, est un élément que tu peux échanger, que tu peux manager pour acquérir d'autres choses qui pourraient être meilleures. Tu sais, c'est dans cette optique-là que je dis que le Canadien, ses succès sont pas tributaires de Carey Price nécessairement. Non, c'est sûr, parce que tu peux l'échanger contre trois bons joueurs. Fais-les. Ben oui. Donc, t'es pas contre? Moi, non. Je suis pour. Pour si c'est pour si c'est dans l'optique d'une reconstruction, t'sais, si c'est juste pour échanger Price, ça donne rien, là. On peut pas plus avancer. Mm. Jonathan Turcot nous demande, est-ce que la fameuse fenêtre d'opportunité vient de se briser? Je trouve que l'image est assez géniale. Oui, je pense que ça vient d'éclater dans une certaine mesure. UFA, Markov, puis Radulov, plus le joueur qui va être sacrifié pour le repêchage d'expansion, ben ça amène des gros, gros trous à des positions assez importantes, des positions à lesquelles on n'a pas de backup. Un premier et les doigts, on n'a pas un autre, là. On a personne qui est capable de prendre le rôle. Défenseur numéro 2, on a personne qui est prêt à prendre ce job-là. Puis l'autre élément, si c'est Méline, ben écoute, un défenseur numéro 4, ça nous en prend un. On a vu que c'est pas Nesterov qui est prêt à faire la job. Là. Donc, lui, il est agent libre avec restriction et pas mal sûr que ça sent la libération. C'est pas Davidson qui va venir pallier l'absence d'un Emeline et d'un Markov. Là. Imaginez là, son père, ces deux éléments-là en défensive cet été. Le Canadien n'est pas en meilleure position. Là. Non. Alexis Tremblay qui nous demande l'une de ces deux questions. Il dit « Outre la reconstruction complète dont JB nous parle souvent, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles selon vous pour le CH? » Puis là, ben, je vais te laisser t'exprimer parce que moi, je dirais « Non, c'est une reconstruction, mais bon. » Si on veut pas se répéter. Mais de plus en plus, honnêtement, je pense que la reconstruction pourrait s'avérer être la bonne option. Encore là, oui, il y a sûrement d'autres solutions possibles. La seule affaire, c'est qu'il faut que Bergevin soit magique, mais à un point quasi inespéré. Il faudrait qu'il re-signe Radulov parce qu'il veut rester à un salaire très moindre, qu'il re-signe Price tout de suite à un salaire très moindre, qu'il soit capable d'échanger genre de la merde contre quelque chose de super bon. Tu sais, je veux dire, Oui, il y a d'autres solutions, là, mais je suis sûr que c'est genre de la science-fiction que d'essayer d'en trouver. Là. Mm-hmm. De plus en plus, on pointe vers la reconstruction juste avec tous les contrats qui finissent, tout avec les joueurs qui reviendront pas. Puis la profondeur, là, le talent qu'on a en bas, là, c'est pas à se péter ses murs là, partout. Là, pis... Non, ça c'est sûr. Hey, on disait tantôt, parce que là je me suis dit, hey, écoute, si on a des gars qui partent comme UFA, ben, ils doivent en avoir dans d'autres clubs, tu sais. Au lieu de reconstruire, là, comment est-ce qu'on peut venir patcher? Là, t'sais? Puis là, je regardais, tu sais, t'as Ryan Miller et t'as Ben Bishop comme gardien de but qui sont UFA cette année. Si t'échanges Price contre d'autres éléments plus jeunes, Ben Bishop pourrait être une roue de secours pendant un petit laps de temps, le temps qu'un gardien de but émerge quelque part de l'organisation du Canadien de Montréal. Ben, Charlie Lindgren peut être intéressant dans l'avenir, mais... Ben, c'est ça, tu sais, si tu donnes pas 8 ans à ce gardien de but-là, ça peut être pas un mauvais deal, là. C'est sûr. Tu sais, autant je disais que le Lightning de Tampa Bay devait échanger Ben Bishop quand il y avait plus de valeur, je maintiens encore cette position-là. Autant ce gardien de but-là peut être utile à une formation, tu sais. Cette formation-là pourrait peut-être être le Canadien de Montréal, tu sais. Peut-être. Ensuite, on cherche un gros centre. Tu sais, le numéro 1, moi, je pense que Galchenyuk peut camper ce rôle-là de façon légitime. Statistiquement parlant, on l'a vu, c'est possible. T'as Big Joe Thornton qui UFA, tu sais, 37 ans, comme centre numéro 2. Je serais pas contre l'idée. T'es encore capable de jouer, le bonhomme, là? Quand même. T'es encore capable de jouer pas pire, là? Tu sais, même Marleau peut être intéressant encore, même à son âge. C'est sûr ça que va prendre une baisse de salaire, mais tu sais. Ben, les deux, même Joe Thornton, ça va prendre une baisse de salaire, là. Oui, oui, c'est ça, du exact. 3-4 millions chaque, là. Mm-hmm. Pas plus que ça. Ce qu'on sait qu'ils n'auront pas, qu'ils vont avoir beaucoup plus ailleurs. Mais quand même. Tu sais, je regarde UFA, ben, écoute, t'as Jonathan Bernier à Anaheim qui tombe UFA. Ça pourrait être pas un pire fit à Montréal, tu sais. Il a 28 ans. Ouais. Tu sais, il y a moyen de moyenner. Je regarde à Philadelphie, Michael Delzotto, tu sais, qui pourrait être un bon quatrième. Qui devient UFA. Tu sais, il y a quelques joueurs intéressants. Il n'y a rien qui va venir transformer ton équipe d'un club moyen à un club élite. Là. À part peut-être Thornton. Là. Si on réussit à le payer pas trop cher puis pas trop longtemps. Là. Mais c'est pas par là que la solution magique passe. Puis des transactions, je l'ai toujours dit, c'est que si tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Puis il n'y a pas d'épais dans la Ligue nationale. À part peut-être Charity. Mais puis encore, tu sais, il faut que tu trouves un gars qui est désespéré. Puis le Canadien de Montréal, malheureusement, a l'air trop souvent le gars désespéré dans la patente. Fait que la reconstruction est probablement la meilleure voie à regarder. Alexis Tremblay nous demande aussi si Radulov va revenir l'an prochain. Non. Ça sera pas un gros salaire. On peut pas le payer même plus cher. Puis oui, il a été bon en playoff, mais 3 matchs sur 6. Pis ça vaut combien d'argent dans la Ligue nationale, 54 points? Mais ouais, mais la réponse facile est non, il ne sera pas de retour avec le Canadien de Montréal. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir plus d'espace, plus de marge de manœuvre qui va y offrir plus. Là. Je l'imagine même à Toronto. Pis ça serait de faire un shortcut dans la reconstruction, mais ça se peut, possible. Mon oncle, Yvan Gagné, qui demande « Est-ce que nos attentes sont trop élevées envers le Canadien de Montréal? » Ah, ben, je vais te le dire, honnêtement, là, cette question-là est probablement ma préférée. Pourquoi? Parce que cette question-là m'a ouvert les yeux à un point, là. T'as même pas idée à quel point que la réponse, c'est oui. Tu diras bien ça à ton oncle. Mais c'est oui parce que... Pourquoi, tu sais? Parce qu'on nous vend trop un produit qui est pas vraiment si élite que ça? Parce qu'on nous miroite la Coupe Stanley à tous les années, mais c'est pas tant vrai? Qu'est-ce qui fait que tes attentes sont trop élevées? Ben, je sais pas. Ils ont tout le temps une méchante bonne saison qui finit tout le temps, genre, à être la merde parce qu'on se fait sortir en série. Je sais pas. On dirait que cette année, mes yeux se sont plus ouverts sur le... Hey, il y a du beau hockey. Ailleurs, je vous ai... Quand tu commences à comparer avec les autres équipes, là. Ouais, genre, là, je sais pas, je me dis, tabarouette, il me semble qu'on n'est pas dans le game. Il y a quelque chose qui marche pas dans la mentalité, l'organisation, l'équipe en général, ils ont de la misère à faire bien des affaires, là. C'est frustrant. Ouais. Donald Cheney qui nous demande « Est-ce que les succès du Canadien de Montréal doivent absolument passer par un retour des Nordiques? » Je trouve que c'est étirer l'élastique, mais en même temps, il n'y a pas tort. En ce sens que ils n'ont pas de compétition à Montréal. Ouais. Tant qu'ils remplissent l'aréna, il n'y a pas de raison de se forcer. T'sais. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de raison de changer la manière de faire et de viser à la Coupe Stanley. C'est-tu si payant que ça si pendant des années tu fais pas les playoffs et que tu remplis pas l'aréna, comme ça a été le cas à Edmonton? Ben c'est une bonne question parce que justement, je pense que il y a beaucoup de fans du Canadien en ce moment qui le sont par défaut parce que les Nordiques sont pas là. Mm-hmm. Les Nordiques reviennent et ils perdent facilement 30 à 40% de leurs fans qui vont être du côté des Nordiques, là. Il y a tout le temps des nouveaux fans qui vont se créer pis tout, là, mais oui, ça peut donner un petit push. C'est surtout justement le côté marketing. T'sais. Il va falloir qu'ils essayent de faire autre chose parce que si les Nordiques sont capables de faire une bonne offre, ça se passe. Puis les joueurs francophones, il y a une couple de dossiers de même qui, pour moi, me semble désuet que ça raviverait. T'sais, une compétition à voir, c'est qui est meilleur français, c'est qui que. Puis, tu sais, si le Canadien a une mauvaise saison, ben, ce serait l'autre équipe qui aurait l'avantage des codes d'écoute puis des produits dérivés et vice-versa. Oui, c'est sûr que d'avoir de la compétition dans un marché, c'est toujours intéressant. T'sais. Tu le vois avec les deux équipes de l'Ontario. Les Maple Leafs étaient tannés d'être juste un club moribond. Ça a donné quoi? Ben, ça a donné qu'ils ont reconstruit parce qu'ils voulaient avoir une chance pour la Coupe Stanley. T'sais. Ouais. Tu sais, Edmonton puis Calgary, c'est la grosse compétition aussi. C'est un peu ça, là. Excusez. Donald Cheney qui nous demande ensuite on signe qui? Price, Pacioretty ou on l'échange? Galchenyuk? On reconstruit, mettons qu'on reconstruit. Là, on reconstruit autour de quel joueur? Fait que c'est une question à multiples volets. Mais on signe qui? L'idéal, c'est Price, Pacioretty, mais pas cher. Ce qui arrivera pas, fait qu'on les échange. Galchenyuk, je le garderai, je lui donnerai sa place au premier centre, mais ça arrivera pas, puis j'ai le feeling qu'il va se faire échanger. Puis on reconstruit. Autour de quel joueur? Ben écoute, ça va dépendre un peu, mais ça c'est sûr qu'il faut que tu aies ton joueur justement sur qui tu veux reconstruire. Ça va-tu être dans la relève, un Sergachev à défensive? Parce que sinon, en ce moment, je verrais, moi, tant qu'on sort autour de Galchenyuk, ça n'a pas l'air de fonctionner. Okay. Ben, ça n'a pas l'air d'être le plan du Canadien de Montréal. Non. Mais, écoute, quand un gars à 23 ans est capable d'être à un point par match, d'avoir 30 buts dans une saison de marde de son équipe, moi, je me dis qu'il y a un peu de talent, là. Mm-hmm. Tu sais, en même temps, tu sais, je regarde, on parlait de Toronto, là. Tu sais, Van Riemsdyk, là, puis Kadri, là. Qui aurait cru il y a quelques années que ça pouvait devenir de bons jeunes vétérans qui encadreraient une bunch de kids dans le cadre d'une reconstruction, tu sais? C'était des mal-aimés, eux autres aussi, là. C'était des joueurs qui sous-performaient selon les standards qu'on établissait pour eux autres. Et pourtant, aujourd'hui, jamais Toronto les laisserait partir, tu sais? Ils sont tellement importants pour les succès de leur équipe dans des facettes autrement que juste l'offensive pure comme on s'imaginait dans leurs jeunes années, tu sais? C'est un peu ça, le Galchenyuk. Il peut tellement avoir une bonne influence sur le reste de ses coéquipiers si on lui donne la chance de le faire. T'sais. Au lieu de taper dessus comme si c'était un kid rebelle punk avec les cheveux et des studs d'en face. Là, t'sais. C'est pas ça. Là, t'sais, c'est un kid qui bouait peut-être un peu, qui fait le party une fois de temps en temps. Peut-être qu'il y a une grosse rumeur sur le fait qu'il fait de la coke. Peut-être, t'sais, mais de la coke dans la Ligue nationale, là. Ça prend peut-être de quoi, là? C'est pas le premier, là. D'une coupe, là. Ça drogue des joueurs de hockey parce que t'as pas de mauvais lendemain. Les joueurs de la Ligue nationale, s'ils veulent se droguer, c'est la coke que ça passe. Fait qu'il est pas le seul, là, tu sais. Fait que Galchenyuk, oui, ça serait le meilleur, le plus beau potentiel sur lequel bâtir, tu sais. Sinon, si t'échanges quelque chose pour aller chercher un autre jeune pour reconstruire autour de lui, tu sais. Possible. Daniel Bourgeot nous demande. Il dit, en fait, il dit, il gagnerait même pas contre une équipe d'expansion, surtout Québec, en parlant du Canadien de Montréal. Ben écoute, ça dépend. Hein, peut-être pas en playoff, mais en saison régulière, le Canadien n'a pas un si mauvais club que ça non plus. Le but, c'est nos discussions sont tournées vers le fait que le Canadien n'est pas en mesure de passer à la seconde vitesse, d'avoir une vraie chance pour la Coupe Stanley parce qu'il manque certains éléments. On dit pas que le club est de la merde à grandeur. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y a une nuance à faire là. Adrien Lambert qui nous demande, Charles Hudon sera-t-il rappelé par le club et doit-il l'être? Donc, la saison prochaine, je suppose. Est-ce que Charles Hudon est prêt pour la Ligue nationale? Oui. J'espère bien. Avec les performances qu'il offre en bas, pas le choix d'être bon en haut. Ouais. Un autre qui passe dans le tordeur du Canadien pour des raisons assez obscures. Verrais-tu ça, toi, un trio Hudon avec Galchenyuk? Il me semble que ça pourrait être intéressant. Ouais, même avec un Lekkonen en plus. C'est exactement le nom que j'avais en tête. Ou Gallagher. Ouais. Amener un petit peu de grit, là. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Je voulais revenir en terminant, ça c'était notre dernier part sur la palette. Je voulais revenir un petit peu sur nos prédictions parce que la vie est ce qu'elle est. Nos prédictions n'ont pas tant été hot, ni d'un bord ni de l'autre. Dans l'Est, mon Jerry, tu disais Boston en 6, Blue Jackets en 6, Toronto en 7, puis Montréal en 7. T'as déjà deux séries qui sont terminées, pas comme t'as prédit. Mm-hmm. Les Blue Jackets, c'est Montréal. Moi, gars, je suis pas mieux. Là. Les Blue Jackets, j'avais dit en 5, puis Montréal en 5. Fait que c'était encore pire. J'avais dit Washington en 4. On oublie ça. Ottawa en 7. C'est là où est-ce que j'ai peut-être une petite chance pour ce qui est de l'Est. Du côté de l'Ouest, t'avais dit Oilers en 7, ce qui est encore... Non, même pas. Ça s'est gagné hier, donc c'est terminé. Mais j'ai la bonne prédiction. Les Oilers. Ah oui, t'avais dit en 6. Non, j'avais dit en 7. OK, bon, mais c'est ça. Les Oilers ont gagné. T'avais dit les Flames en 5, c'est non. Le Wild non plus en 6 et Chicago en 7. Donc, t'en as une de bonne, mais pas la bonne durée. Et moi, dans l'Ouest, j'avais dit les Sharks en 6, les Ducks en 7, les Blues en 5 et Chicago en 7. Donc, Chicago, les deux, on l'a pas. Les Blues, je l'ai eu. Les Sharks, je l'ai pas eu. Puis les Ducks, ben je l'ai eu. Fait que on est à 2-2 chaque. Je pense que oui, c'est ça? Ouais, mais toi, t'as les Blues en 5, puis tu l'as eu en 5. Fait que c'est comme un point c'est 5. Comme un point bonus, hein? Ouais. Ma finale, c'était les Hawks contre les Caps, donc ça branle dans le manche, pas à peu près. Écoute, moi, c'est le Wild contre les Blue Jackets. Ouais, non. Fait que j'espère que personne s'est fié sur mes prédictions. Ouais, nos prédictions, ouais, c'est ça. Parce que je ne suis pas responsable des poules perdues. Je vous avais misé à l'Auto-Québec avec ça, là. On s'excuse. Donc, voilà, regarde, Jerry, merci pour ton expertise encore une fois cette saison dans le cadre de cette année de podcasting de la POC. C'est dommage que ça se soit terminé de cette manière-là, la saison du Canadien de Montréal. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal. C'est que encore une fois, on a un peu embarqué dans le bandwagon de croire en cette équipe-là. Puis ben, on s'est fait rabaisser le caquette. Donc, ben merci Jerry d'avoir été de la partie. On va peut-être en refaire des choses spéciales pour le repêchage d'expansion, le draft, puis les UFA. Mais encore, ça va dépendre de nos horaires cet été. Puis, je veux savoir. Si qui éclate, on va faire de quoi, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Si vraiment il y a quelque chose. Si le Canadien entame une reconstruction, on va en parler en esti, ça, c'est sûr. les gens, ils peuvent te retrouver où durant l'été, mon Jerry? On va me retrouver sur Facebook, Jerry Ludbout. On va parler d'hockey, même s'il n'y en a pas, ça me dérange pas. Sinon, sur Twitter, @godbout25. Je devrais apparaître un moment donné, peut-être dans un épisode des geeks qui sont parmi nous, un autre podcast qu'on parle de tout ce qui est geek, jeux vidéo et ce que vous voulez. Sinon, c'est pas mal la seule présence que j'ai sur l'internet. Toi, j'imagine qu'il y en a tant de plus que moi. Ben, j'ai un podcast qui s'appelle La réalité augmentée qui continue jusqu'au 200e. C'est l'objectif qu'on s'est donné. On vient d'enregistrer d'ailleurs ce matin avec moi puis Daniel un show puis Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit ça. On a une petite prolongation à vous offrir. La toune de fin. Et moi et Daniel, on va faire un petit bout sur le Canadien aussi pour avoir ses impressions. Donc, ne manquez pas ça là, dans quelques instants sur la POC. Vous pouvez me retrouver, moi, personnellement, sur Twitter, @gangj_b. Facebook.com, je vais gagner. Cherchez-moi. Dites que c'est en relation avec mes podcasts que vous voulez m'ajouter et on va jaser avec grand plaisir. La POC, nous sommes disponibles sur Twitter, @lapocpodcast. Notre site internet, lapoc.net, et notre Facebook qui devient de plus en plus animé à chaque jour. On aime vraiment ça. On aime vous présenter nos analyses, que ce soit statistiques ou non. Et jaser avec vous en long et en large de la situation du Canadien de Montréal et de ce qui se passe dans la Ligue nationale. Voilà, c'est ce qui met fin à la saison 2016-2017 du Canadien de Montréal et de la POC. Et on vous dit à la prochaine pour 2017-2018. On va être là, c'est sûr. Bye. Ciao, Lou. Bon été. Yes.